7 avril 1803. La roue a tourné. Au fort de Joux, demain sera un autre jour. Mais pas pour tous. L'arrière-garde de l'hiver a là-haut des lames acérées et mortelles. Dans sa fuite, elle se retourne encore et vous mord soudain. Et vous voilà à terre, quand la victoire était si proche. Le but presque atteint. Depuis la fin de la matinée, il y a remue-ménage. Le porte-clés est sollicité de toutes parts. Et voilà qu'au lieu de passer à table, il va falloir accompagner un secrétaire contrarié et pète sec, en haut, en bas, dans les cellules, les bureaux, aller sans retard sur les talons de cet homme nerveux et pressé dans tous les escaliers du fort. Voilà un travail pour Pierre. Il est à son poste, le père ordonne, il obéit. Le secrétaire lance un regard surpris et suffisant à cet enfant silencieux qui l'attend, le trousseau à la main. Mais bon, il s'élance et le précède en marmonnant. Pierre file. On se dirige vers la cellule du rez-de-chaussée. Enfin, peut-être pourra-t-il voir. Mais c'est étrange. Il a dû se passer quelque chose. La consigne est si sévère qu'on ne devrait pas faire appel à lui pour y aller. Descendant l'escalier, le secrétaire ne se contient plus. Il maugrait, peste, jure que le moment était mal choisi pour mourir, qu'il a déjà plein d'écritures en retard, qu'on l'a appelé quand il passait à table, et que déjà, hier soir... Pierre a compris. Toussaint est mort. Son ventre se noue immédiatement. C'est étrange. Cet homme qu'il ne connaît même pas. Pierre reste à la porte. Puis avec son écritoire, ses papiers, ses plumes, son encre, le secrétaire sort en fulminant et de grimper par les escaliers jusqu'à l'étage de l'administration. Et Pierre apprend qu'il y a une famille, une femme, des enfants à cette ombre noire. Et le règlement, c'est le règlement. Une fois l'état des effets du prisonnier effectué, ce qui reste dû à l'administration pénitentiaire prélevé, il va bien falloir faire parvenir ce maigre barda à ces gens-là. C'est qu'on n'est pas des sauvages. Nous. Pierre rêve instantanément. Le souvenir de sa mère, une ombre. Elle aussi, le rapproche de cette famille avec une mère vivante et qui espère, et puis des fils, et puis des filles peut-être. À tous, il pourrait dire, qu'est-ce qu'il pourrait leur dire? Il n'en sait rien. Mais les mots ont déjà franchi ses lèvres. Je peux y aller, moi, monsieur, le rapporter. Inutile de dire que le regard stupéfait du secrétaire l'empêche de finir sa phrase. Non mais, quelle histoire. Qu'est-ce qui prend à ce morveux? Le secrétaire le rabrouille. Il faudrait peut-être savoir rester à sa place. Il va falloir en toucher deux mots à son père. Il y a là, c'est sûr, quelque chose à corriger. Heureusement, une fois les courses multiples et écritures finies, le secrétaire ne pense qu'à rattraper son repas perdu. Et il renvoie Pierre à la conciergerie sans mettre sa menace à exécution.